c'est quoi? Quand t'apprends ça fait pas bon. C'est de la musique. Mais c'est quoi? C'est une expérience. J'ai une expérience. Ah, oh, c'est ma maman. Bonjour. Salut, tu vas bien? Oui, très bien. Bonjour. Ça va? Oui. Ça va? Oui. Bonjour. Ça va? Parce que ça m'évitera que tout le monde me voit ridicule. Ah, oh, mais t'es pas ridicule, c'est mignonne avec mes... En plus, ils vont se poser plein de questions et je... ici, normalement, je sais plus où on arrive. C'est ça qui est bizarre avec moi, je sais même plus où on arrive. Une question, il y a quoi après ça? Ah oui, non, il vaut mieux pas y aller. La couleur. D'accord. Et là, des fois, quand les coupes, enfin, moi j'aime pas quand... Quand ils coupent les fleurs? Ouais, ou quand ils déchirent, enfin, j'aime pas. Ouais. T'aimes bien qu'il y ait des fleurs quoi, sur le passage? Ouais. Parce que c'est joli et même si je m'arrête pas, et ben, ça fait du bien de voir des fleurs et de la verdure alors que là il y a plein de travaux. Ouais. Ensuite, je pense, vu de là, on pourrait peut-être prendre ça. C'est aussi un coin repère. Donc c'est aussi un coin repère cette maison là. Ce que je vois, bah, là c'est. Là c'est un côté, il n'y a rien de nouveau, et de l'autre côté il y a, c'est que du nouveau, donc voilà, c'est, ça fait bizarre parce que c'est juste cette route là qui sépare le nouveau avec l'ancien. Bah c'est un peu stressant parce qu'il y a plein de voitures partout, c'est difficile de se concentrer après sur la route. Là il n'y a pas de passage piéton mais c'est pas du tout pratique, parce qu'il y en a un plus bas. Mais celui-là, il n'est pas pratique parce que c'est là où les voitures bah, descendent et comment bah là il y a en fait tu vas voir que en fait il y a elle tourne à ce moment-là, du coup c'est pas pratique. Ah d'accord. Et du coup ça serait mieux d'avoir un passage piéton là. Donc là il y a enfin il y a quand même pas mal de prudence à avoir mais pas enfin je suis pas obligée d'aller tout là-bas prendre le D'accord. La rue, là, enfin, avant, elle n'était pas très jolie. Il y avait plein de squats et tout. Ouais. Et bon, maintenant, ils ont réussi à en faire un peu quelque chose. Enfin, c'est plus... J'aime bien parce que j'entends beaucoup de bruit que si on était autre part, comme les bruits d'oiseaux, eh ben, on n'entendrait pas forcément. Ouais. Et pareil, en bas de chez mon père, c'est beaucoup plus petit. C'est juste une allée, mais il y a plein d'arbres. Et donc, du coup, on entend plein d'oiseaux. T'aimes bien la nature? Enfin, je fais du vélo. Ouais. Et je... fais du vélo et bah, je vais sur le terrain de course. Là. T'en as vu un? Là. Ah, c'est juste avec l'appareil photo, je me... Tu le vois pas bien? Je me retrouve pas. Ah, oui, c'est ça. Pas facile. Et après, voilà. Ah bah, attends. Maman, quelque part, pas loin. C'est trop loin? Là-bas, là. Ah, ah oui, là, ah oui. Là. Ah, mais alors, est-ce que tu vas réussir à la voir? Ah, il s'envolait. Je l'avais eu en plus. En fait, je me suis plantée. Ah non, c'est là, on peut passer. Donc, ou autrement, il y a ça, on peut prendre aussi par là. Ouais. Il y a le reste du raccourci qui peut être par là. Oui, du coup, c'est pas vraiment un chemin, c'est un. Ouais. C'est pas un raccourci non plus. C'est... Ouais. Vite, des débris. Ils se sont bien accumulés. Hein. Wow. Ah ouais. Ah ouais, dis donc, là, il y en a un. Hein. Ah ouais. Ah là, ça a bien marché. Hein. Oh, la grosse plaque qui est mise, ça nous a fait... Et tu crois qu'ils viennent d'où? Du coup, bah, tous ces trucs-là, si je pense, c'est plutôt... Ah ouais, il y a que de la mousse. Ouais. Voilà, c'est des gravures, des cailloux, on marche. Ouais. Non. Non, pas la pas. Droite, D'accord. Voilà, je trace. On va bien comprendre le photo. Là, ça va être devant la boulangerie. Parce que j'aime bien la boulangerie. Il y a beaucoup de choses que j'aime. Surtout les gâteaux. Oui, quand j'ai des sous. C'est là où en fait les oiseaux ils font plus caca. Mais en fait l'année dernière, il y en avait plein partout et en fait ça sentait horrible. Cette poubelle je l'adore. Ah ouais? J'aime bien jeter le verre dedans. Bah vas-y, prends-la en photo si tu veux. Ça fait poum. Et c'est juste que j'aime bien des fois parce que des fois il y a des jolis dessins. Et aussi quand j'étais petite avec mon frère, là où il y a les garages, au garage on disait que c'était un endroit où il y avait des loups. Ah si, je sais ce qui se passe ici. Je crois qu'il y a le Grand Prix du vélo, un truc comme ça, une course de vélo. Effectivement. Bah, on voyait sur les barrières, ça faisait de l'ombre. Mm-hmm. Bah, ça fait des espèces d'illusions de l'optique et j'aime bien la magie aussi. Bah, par exemple, quand je voyais l'ombre tout à l'heure de la barrière, mm-hmm. bah, je sais pas, ça peut faire un zèbre camouflé ou un... On va devoir encore prendre la pluie. J'aime bien quand il pleut, mais là il pleut beaucoup. C'est pas très chaud. Hein. T'as le vent qui t'arrive dessus. D'accord, ça te rafraîchit alors. Oui. Ah, ouais. Parce que normalement aujourd'hui il devait pas pleuvoir. Mais... On va attendre un petit peu.